Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et c'est ce que Jésus a fait, en donnant sa vie à la croix pour chacun de nous, croyant ou non croyant d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'aime, car il est vraiment merveilleux. Jérusalem.